Shabadabada, c'est... Bah oui, c'est toujours Clash, hein, c'est bizarre. Hein. On passe pas beaucoup de titres de Sandinista dans Pyongyang City Rockers, à part celui-ci, tous les mercredis. C'est la 365e édition de Pyongyang City Rockers avec une équipe au grand complet ce soir, vu que nous sommes deux. Il y a moi, Stéphane, et il y a toi. Moi, c'est Lia. Et puis bon, il y en a peut-être qui vont nous rejoindre en cours de route, hein, je sais pas. Puis sinon, il y a du monde qui est en train de boire un coup dans le hall, comme d'habitude, de Radio Campus. Un des avantages de Radio Campus, c'est qu'il y a un bar. Alors, on n'est pas obligé d'y boire de la bière ou des boissons alcoolisées, mais parce qu'il y a aussi, bon, des softs. Il y a de l'eau. Et puis de Léo. Il y a même du Château La Pompe, dis donc. Mais donc voilà. Et puis un autre avantage de Radio Campus, c'est qu'on peut y faire des émissions de rock and roll. Et bien justement, voici un premier groupe qui a. Bah, c'est de l'Australien, tiens, ça date de 77. Et puis quelques temps après, ils ont tenté de devenir riches et célèbres en migrant à Londres début 79 ou fin 78, je ne sais plus. Ça n'a pas beaucoup marchouillé à part quelques mois. Ensuite, ciao, tout le monde retourne dans sa basse-cour australienne. C'était The Last Words et les voici avec un titre tout à fait dans la veine de l'époque, Animal World, The Last Words. Last Words avec Animal World, oui, c'est Pyongyang City Rockers, t'as vu ? Numéro 365, tu l'as. Oh madame. J'ai su. Moi je vais vous parler d'un festival où je suis allée le week-end, c'est le Revolution Calling à Eindhoven. Oh t'es tôt là ? Ouais, j'ai tôt là. C'est un gros festival de hardcore avec 30 groupes sur la même journée, donc ça fait beaucoup de concerts. Oui quand même. Ça commence à midi et ça finit à une heure, les concerts. Ouais. ouais, ça coûte un peu cher. Si tu t'y prends pas à l'avance, ça coûte 70 balles quand même. Ouais, bon, pour une journée entière. pour une journée entière. Un bon bout de la nuit, quoi. C'est ça. À l'affiche cette année, il y avait entre autres Biohazard, Exploited, Comeback Kid, ou encore ceux qu'on connaît bien, Cran, Etzeux ou Reproach. Ah bah quand même, heureusement qu'il y avait des vieux, parce que sinon, les groupes de jeunes que tu as dit au début, moi je connais pas. C'est seulement la quatrième année, la quatrième édition du festival, et ça a été relativement vite sold out. Donc je pense que ça va grossir de plus en plus. Oui, c'est quand même con de constater qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se déplacent sur des gros festoches comme ça, mais par contre, tu as des concerts, des concerts dans des caves, donc des vrais concerts punk, où des fois, tu attends le chaland. Alors bon, c'est pas vrai à Lille, hein. En général, au CCL, c'est quand même toujours bien rempli. Oui, c'est pas toujours les mêmes gens. Il y a d'autres endroits où on m'a dit que, franchement, c'était très compliqué d'avoir ne serait-ce que 40 personnes pour voir des fois trois groupes de bonne facture. Bon, bah, là tout. Hein. Si vous préférez les festoches, libre à vous, les enfants. Et du coup, j'ai décidé de passer un morceau de Comeback Kid, un groupe de punk hardcore canadien qui existe depuis 2000 déjà. Déjà. Le morceau, c'est Wake the Dead, issu de l'album qui a le même nom, qui est sorti en 2005. Une petite info à passer par rapport au morceau que j'ai passé la semaine dernière de Problem Child. Je disais que c'était fait par un Lillois et que je savais pas trop qui c'était. Et en fait, c'est Quentin. C'est un ex Miss America, Confusion et Short Days. Et pour tout vous dire, la première démo, c'est les maquettes pour le deuxième album de Miss America qui n'est jamais sorti. Et la deuxième démo, c'est une compile de riffs de compos qu'il avait pour Miss America et pour Confusion. Bon, bah... Petite info donnée par le patron. Ah, merci patron. Bon, eh bien, à propos de patron, on va parler de coups de pression. Vous savez, c'est ce qui se passe quand on fait des choses et puis qu'il y a une autorité supérieure qui vient vous souffler dans les bronches. Bah, c'est ce qui apparemment s'est passé avec Emmanuel Macron, hein, qui est toujours en train de faire des promesses. Et par exemple, enfin, et pas que lui, hein, aussi les gens qui sont dans son gouvernement et puis qui sont ses alliés. Et à propos de du mandat d'arrêt international délivré par la Cour pénale internationale pour appréhender, si on y arrive, Benjamin Netanyahou. Au départ, il y avait quand même quelques pointures du gouvernement ou proches du gouvernement français, dont même Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui avait dit quoi, il allait falloir respecter les décisions internationales, bref, pour un coup, on n'était pas trop honteux d'être français, ah, patatras, aujourd'hui même. On apprend que finalement, il y aurait eu non seulement des coups de fil véhéments de Netanyahou lui-même à Macron, où il a traité d'antisémite, hein, je veux dire, tout le monde est antisémite, de toute façon. Vous écoutez une radio antisémite, hein, je tiens à vous le dire, hein, faites attention. Mais il y aurait eu aussi, apparemment, coup de pression de la part de Joe Biden, encore président des États-Unis. États-Unis ils n'ont pas ratifié les accords de création de la Cour pénale internationale, mais ils donnent quand même leur avis. Et du coup, bah, ils disent que bon, apparemment, ça a gueulé dans les couloirs. Et puis, finalement, il y a une immunité qui devrait prévaloir. Et donc, si Netanyahou se pointe en France, bah, il sera quand même immunisé parce que quand même, c'est un chef d'État, quoi, hein. Voilà. C'est pas très étonnant. Non, ouais, choses reviennent telles qu'on les subodorait, mais quand même, ça la fout mal. Et moi, franchement, c'est la honte d'être français. C'est clair. De dépendre de ces abrutis-là. Même si j'ai jamais voté pour justement, coup de pression, même si les paroles de ce titre n'ont pas grand-chose à voir avec ce que je viens de raconter. Coup de pression par prise rapide. We'll be right back. chouette. Pyongyang et ses 40h, il est 20h16 à l'antenne de Radio Campus, 106,6. Que de chiffres et que de nombres. Comment allez-vous, ma chère Célia? Ça va et toi? Ouais. Moi, je vais vous parler d'un groupe de punk de Séoul. Oh ouais? Ouais, pour ça une existe. Fois. C'est ça. Bah ouais, écoute. Et c'est le nom est écrit en anglais, du coup, je me suis dit, je vais arriver à le dire. Ça s'appelle 18 Fevers. Mmh. Ils ont déjà joué deux fois au Rebellion Festival à Blackpool. Ah bah, voilà. Alors. Bah écoute, je connaissais pas. Le groupe s'est formé en 2020, ils ont sorti un EP en 2023. Leur dernière sortie, c'est un 3 titres qu'on peut retrouver sur Bandcamp, qui est sorti ce mois-ci. Et on écoute tout de suite Cut Me Up de 18 Fever. Attends, parce qu'en plus, là, j'entends rien du tout. Oui, merci. J'avais un truc à annoncer, parce que apparemment on l'a annoncé un peu tard. C'est un concert anti-répression qui a lieu vendredi au Centre culturel libertaire. Il y aura des groupes punk et des groupes rap. Donc, il y aura Cisaille, Contour Direct, Bavure Utopie, Lynx, Animal Mort, Léa C et un DJ set avec Laurent Meuge. Pour finir, donc, ça sera aussi CCL 4 rue de Colmar, comme vous dites si bien, à partir de 20h30. Bon, ouais. 1h30. Non, 20h, c'est 20h. 20h. C'est 20h. Ouais, c'est ça qui est marqué sur le superbe flyer. Hein, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Ouais, il est bien. Et puis, bah, comme d'hab, c'est prix libre. Prix libre, mais bon, pour filer des sous à ceux qui sont victimes de la répression. Et donc, ça sera vendredi qui arrive, 29 novembre. Puisque c'est ainsi, je vous passe un titre d'un groupe qui va passer ce vendredi au CCL, Animal Mort. Ils vont faire défoncer, puis puisque il y a défonce. Ensuite, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on gerbe. Et ça sera donc Maria Taré qui enchaînera avec J'irai vomir chez vous. Pour l'instant, Animal Mort. Yeah. suis tout le temps déchiré, même quand je me fais trop mal. Même pas le temps pour me recruter ou rendre un dernier râle. J'ai ma petite main qui tremble, je ne saisis plus rien. Ma main n'est plus un membre, on la jettera au chien. Mon cœur me brûle, il hurle de soif. Les liquides me rappellent quand j'ai juré les jurages. Normalement, j'aime bien aller dormir chez les gens, mais dans l'état où je suis, je ne vais pas dormir. I think in the cinema. C'était pas mal. Oui, Maria Taré, c'est bien. Hein. Et puis, il y avait la voix de je ne sais plus qui là, au début. Bon, on s'en fout. Vous écoutez Pyongyang. L'autre émission, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Hein, j'irai dormir chez vous, non, ouais, ouais, non, mais c'est un autre. Mais bon, pff, okay. On s'en fout. De toute façon. C'est des trucs de télévision, on s'en tape. Mais c'est à vous. Moi, je vais vous parler de Trade Union. C'est un projet solo de New Wave Cold Punk de Toulouse. Que j'ai découvert sur la compile Bats for Palestine, dont j'ai déjà parlé ici. Il me semble que c'est un des membres de Night Watchers, mais je ne suis pas sûre. Mais on dirait. Ça ne sent pas trop la joie dans les paroles. Il a déjà sorti un LP qui s'appelle Adieu la fête chez Frozen Records en mai 2024. Et en septembre, un EP qui s'appelle Partir un jour, qu'on peut retrouver pour l'instant seulement sur les internets. Ouais. Le morceau y a que un Bandcamp, je suppose. C'est ça. Ouais, bah. Le morceau que j'ai choisi s'appelle Triste Nuit et il vient du dernier EP Parti un jour. We'll be right back. Eh bien voilà, c'était Très Union. On continue sur notre lancée. Encore un extrait de la compilation Bats for Palestine, sortie par Très Union à Toulouse. Donc c'est en soutien au collectif Palestine vaincra. On répète 23 titres entre punk et dark, cold, truc. Chose, post-punk. C'est ça, hein, les chauves-souris. Chauves-souris. Ça se retrouve sur tradeunion.toutcollé.bandcamp.com. Et puis voici donc les Italiennes et Italiens de Cimitero avec Sepide Chimin Piedi. Enterre-moi debout. Si j'ai plus le droit de parler. Si, si. Du coup, j'ai aussi passé un groupe italien qui vient de Bologne, qui s'appelle Crasu. Ah oui. Alors, la Crasu, c'est un esprit féminin nocturne du folklore d'Asie du Sud-Est. Il se manifeste sous la forme de la tête, tête flottante et désincarnée d'une femme, généralement jeune et belle, avec ses organes internes encore attachés et descendants du cou. Super, c'est vachement sympa, ouais, dis donc. J'ai tapé ça en cherchant, puis Wikipédia, il m'a proposé ça, j'étais là genre, ah ouais, ok. Est-ce qu'il y avait des photos? Il y avait, alors, celle sur Wikipédia est très soft, c'est un petit dessin, ça va, quand tu vas dans images, tu fais, ah ouais. Ok. Il y a des trucs un peu gore. Ouais. Bon. Crasu, K-R-A-S-U-E. C'est ça. Du coup... Parlons du groupe. La description qu'on retrouve sur leurs réseaux sociaux, c'est do it yourself, pas de genre, pas de compétences, profil bas, mauvais tempérament et blessures pailletées. C'est tout. Bien. C'est pas mal. C'est court mais efficace. Ils ont sorti deux cassettes, une première en 2018 qui s'appelle Saliva et une deuxième en 2024 qui s'appelle I Wish You Da. Et je vais passer le morceau Peach Street qui vient de la première cassette. We'll be right back. Changement de rythme. Alors que dans le petit studio à côté, qui est très mal insonorisé par rapport au nôtre, donc on entend tout ce qui se passe, il y a l'équipe de l'Ordre de Lemaître qui est en train d'enregistrer un titre qui dit, qui fait « C'est bon pour le capital, c'est bonbon, c'est bonbon ». Voilà, vous aurez reconnu. Je change de rythme, moi, pour Happy Wiz. Ils viennent du sud-ouest de la France. Là, le groupe existe depuis plus de 30 ans. Ils sont passés dans le coin plein de fois et vendredi dernier encore au Watermoulin à tourner. Puis encore une fois, je les ai ratés. Et il paraît que, selon certains, c'est du punk zouk. Et ça va bien avec ce qu'ils chantent là derrière. Voilà. Donc voici Happy Wiz avec Erez Parasite. Rendez-vous dans 4 minutes 34. c'était pas très zouk finalement. Non, hein. Pas trop. Mais pareil, pour ce genre de truc, on dit que c'est zouké. Bon, voilà quoi. Ils ont mis punk devant pour pas se faire rattraper par la patrouille du bon goût. Et donc, ils sont passés sur dans Pyongyang Tea Rockers. C'est maintenant et jusque. Putain, il est déjà 20h43, bah dis donc. Ouais, il nous reste 17 minutes, c'est affreux. On a encore plein de trucs à passer. En avant. Bah moi, j'ai passé un groupe qui s'appelle Oh No, It's Diva. C'est un groupe de Paris et Bordeaux créé en 2020. Encore un groupe qui est né pendant le confinement. Bien. C'est un trio qui rend hommage à Devo avec des membres de Maribel ou encore Cheap Riot. Elles ont sorti une première cassette qui s'appelle Oh No, It's Diva en 2022. Et cette année, une nouvelle cassette qui s'appelle Hardcore Diva. La deuxième cassette, elle est sortie chez Mascara Rock Records. C'est un nouveau label féministe de la chanteuse-guitariste. Et la cassette, elle est aussi disponible chez notre label préféré de cassettes lillois, Dirty Slap Records. Ouais. Donc j'ai passé Peekaboo de Oh No, It's Diva. C'est une reprise de Divo, ça? Sûrement. Ouais, si, si, ils ont raconté. Je connais pas trop de Peekaboo. Ouais. Bon, Oh No, It's Diva. Tout à fait une reprise, peut-être, je ne sais pas. Oui. Et maintenant, bah, c'est pas une reprise. En tout cas, c'est le dernier effort de California Sauce, nos tournésiens préférés. Enfin, non, il y en a d'autres qui sont préférés aussi, mais eux sont particulièrement préférés. C'est dédié à tous les Donovan et les Sullivan et les Manhattan qu'on a dans le secteur. Tous ces sales John qui font rien que foutre le bras tout partout. Voici Donovan par California Sauce. We'll be right back. c'est beau. Hein. Ah, ouais, voilà, Wallifornia Sauce. Ça se trouve sur leur Bandcamp avec plein d'autres choses rigolotes du même acabit. Maintenant, on part un petit peu au nord de tournée, vu que c'est Harlem aux Pays-Bas, dont sont issus Achterlicht. Ça veut dire feu arrière, à ce qui paraît. Et voilà, c'est sorti il y a quelques temps chez Hips Records. Et le titre, c'est Nieuwe Mule. Le nouveau mulet, je ne sais pas. On va savoir. En tout cas, voici Achterlicht. Moi j'aime bien les claviers comme ça. Bah ouais. C'est un petit côté fumé, comme paraît-il ce que tu vas nous passer. Ah, moi c'est bien, bien plus fumé que ça. Je vais passer le groupe Piège. C'est un groupe de Crest du Beat qui vient du Québec. C'est assez récent, ils ont sorti deux démocassettes cette année. Du coup, le son est bien fumé, comme on aime bien ici. j'ai pas beaucoup plus d'infos. J'ai choisi de passer le morceau PTSD qui vient de la cassette Four Tracks. Bon, le piège. Ouais. Pendant que dans le petit studio à côté, là, ça continue de zouker à fond la caisse. Hein. C'est clair. Ouais. C'est toujours bon pour le capital. Piège. Bye. la, cette fille. Hein, oui, ben voilà. Bon, alors quoi, vous écoutez Pyongyang, City Rockers, il nous reste encore 6 minutes à passer en autre et votre compagnie. Bref, voici un petit truc qui vient de Perth, dans l'ouest de l'Australie, donc le coin le plus paumé au sein d'un pays paumé et sous-peuplé, c'est-à-dire que c'est dire si le monsieur a le temps de faire du rock'n'roll. D'ailleurs, son dernier effort est sorti en mars dernier, il s'appelle Rock'n'Roll in Mono, il s'agit de Pleasance, au pluriel, mais apparemment, ce mec est tout seul. C'est 10 titres punk, power pop, lo-fi, ça ne peut venir que d'Australie. Il passe dans la région d'ici un gros mois, avec déjà une date à Anvers, avec Chief Chaffs, Ghoulies et Gullahouse. Voici donc Pleasance avec Interwebs, entre parenthèses, Sex, Drugs and Theft. J'adore ces claviers. Ben, il est 20h57 minutes. Ben, il n'y a plus qu'à rendre l'antenne. D'ici quelques instants, c'est Pyongyang City Rockers qui se termine. Tout à l'heure, je passais un titre de Cisaille qui va passer ce vendredi au CCL. Le temps juste de vous dire que la semaine prochaine, il y aura Mimil qui sera là pour nous parler du concert de Slapshot Ignite et puis je ne sais plus qui là qui va être du côté de Valenciennes. Mm-hmm. Voilà. Et puis, la semaine prochaine, ça sera la 366e de Pyongyang City Rockers. D'ici là, on n'oublie pas. À cab. Et voilà. Et donc maintenant, voici Cisaille avec Mange ta chambre. À la semaine prochaine. Ce monde me fatigue, ce monde me dégoûte, ce monde me brise la nuque pour que je passe entre les gouttes. J'arrive au bout de mes choix, je veux pas retourner ma veste. Il ne reste plus que ma voix pour tirer sur la laisse, pour pisser sur la caisse, vider le tiroir, prendre le cash, saboter toute la messe à l'ancienne. Ouvrir en grand les portes, laisser entrer l'air frais, fumer dans l'aquarium, briser la quarantaine. Même si tes parents t'aiment, tu manges tes mains pleines de verre pilé, tu te prends pour serpillière, aimer ta vie entre parenthèses. J'entrerai pas dans ce thème, il est trop badant. Je préfère encore le confort de mes charentaises. On fait bien comme on peut. Ce monde de merde te donne tant raison. Toutes ces mauvaises nouvelles, j'en ferai pas l'inventaire. Tout est à brûler, devenons incendiaires. Devenons incendiaires. Yo, je passe mon temps à essayer de comprendre les tenants, les aboutissants. Et je crois que je me méprends, y'a des chances. Je pense et j'apprends sans récompense. C'est toute ma vie que je dépense. Peut-être au fond j'ai rien compris, je perds mon temps. Je perds mes espoirs et ma vie à tenter d'y donner du sang. Je perds mon temps à allumer le bidon des sangs. Je prends mon temps pour bien raté ma vie complètement. Si tu fiches pas le mandat émis, je prends mon temps, je tue le temps. Juste le temps de le dire, et juste le temps de vivre, et juste le temps de l'écrire. Prendre le temps de lire et crier par tous les temps, au vent, à tous les gens, prendre les vents. Alors je compte les temps, décompte les mesures, je découpe, je mesure, et je mets en tant que ça dure. Trop de temps perdu, marre de ce temps pourri, les temps qui puent la mort, les tant pis et les temps de silence. Yo! Je me dis, mange ta chambre, range tes morts, prends sur toi, tapis-toi pas sur ton sort. Arrête de pleurer, arrête de gueuler, bouge-toi, sèche tes larmes. Va donc faire un tour dehors, il est temps de repartir, réparer la voiture, reprendre le téléphone, appeler ça les consorts. Je veux prendre mon pied sur scène, faire des bornes, des tours et des tours, et puis même manquer de confort. Je voudrais fuir mon corps, ne plus être moi, changer de décor au moins. Je veux tout brûler, plus jamais rien branler, juste regarder.